Œuvre complète de saint Augustin, tome 12e, édition Guérin et compagnie, 1868. Extrait de Ce qui est bien dans le mariage, chapitre 12. Peu de femmes capables de ne penser qu'à Dieu. 14. Ce langage s'applique-t-il à toutes les épouses indistinctement ou au moins à l'immense majorité d'entre elles? Il est permis de l'examiner. Ces paroles relatives aux vierges, celle qui est vierge s'occupe des choses de Dieu et cherche à se rendre sainte de corps et d'esprit, s'appliquent à toutes les femmes non mariées. Mais n'est-il pas un certain nombre de veuves qui vivent dans les délices? 1 Timothée 5, 6. Si maintenant nous voulons comparer entre elles les vierges et les épouses, voici ce que nous pouvons affirmer. On ne peut trop détester cette vierge qui, renonçant au mariage, c'est-à-dire à ce qui est permis, s'abandonne au péché, à la luxure ou à l'orgueil, ou à la curiosité, on a l'intempérance du langage. De même, on ne trouve que rarement des femmes qui, au sein même des affections conjugales, ne cherchent qu'à plaire à Dieu, et prennent pour ornement non pas la recherche dans les cheveux, l'or, les perles et les vêtements précieux, mais ces belles décences qui convient aux femmes, dont la conversation est comme un parfum de piété. 1 Timothée 2, 9, 10. Voici ce que l'apôtre Saint-Pierre prescrit relativement à ces mariages, que les femmes obéissent à leur mari. Est-il de ces maris qui ne croient pas à la parole divine? Faites en sorte qu'ils se laissent gagner par la vie sainte de leur femme, sans le secours de la parole, qu'ils soient frappés de la pureté dans laquelle vous vivez et du respect que vous avez pour eux. Ne mettez point votre gloire à vous parer au dehors par la frisure des cheveux, par la profusion de l'or et la splendeur des vêtements. Parez plutôt l'homme invisible caché dans le cœur, par la pureté incorruptible d'un esprit plein de douceur et de paix, c'est là le plus riche et le plus magnifique ornement aux yeux de Dieu. C'est ainsi qu'autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu se paraient, restant soumises à leur mari. Telle était Sarah, qui obéissait à Abraham et l'appelait son Seigneur, Sarah, dont vous êtes devenues les filles en imitant ses œuvres et en refoulant toute crainte inspirée par la vanité. Et vous, Marie, vivez sagement avec vos femmes, les traitant avec honneur et discrétion, comme le sexe le plus faible, n'oubliant pas qu'elles sont, avec vous, héritières de la grâce qui donne la vie, et faites en sorte de donner un libre cours à vos prières. 1 Pierre 3:1-7. Est-ce que de tels époux ne s'occupent pas des choses du Seigneur et ne cherchent pas à lui plaire? Mais je l'avoue, ils sont bien rares, qui pourraient le nier, et dans le petit nombre de ceux qui en sont là, aucun ne s'était marié dans le but d'arriver à cette perfection, ils n'y sont arrivés qu'après le mariage. Chapitre 13. Combien est rare la pureté parfaite dans le mariage? 15. Comment en effet, sous le règne de Jésus-Christ, quand il se voit autant, non plus d'embrasser, Ecclésiaste 3:5, mais de s'abstenir de tout embrassement, ceux qui, libres encore des liens du mariage, peuvent garder la continence. Hésiterait-il un seul instant à s'abstenir du mariage et à choisir la continence virginale ou viduelle, plutôt que de se jeter dans la tribulation de la chair, complément inséparable du mariage selon la parole de l'apôtre? Nous supposons toutefois qu'aucune nécessité sociale ne les contraint de se marier. Mais voici que poussé par la concupiscence, il en est qui ont rivé sur eux les chaînes du mariage. Si alors ils triomphent des penchants de la chair, sans doute ils ne pourront plus rompre le mariage malgré la liberté où ils étaient de ne pas le contracter, mais du moins ils peuvent réaliser la perfection de cet état. Ou bien, d'un consentement mutuel, ils monteront à un degré plus élevé de la sainteté, ou bien, s'ils ne sont pas tous deux capables de cette perfection, le plus parfait des deux, sans exiger le devoir, se contentera de le rendre, en observant toutes les règles d'une conduite chaste et religieuse. Dans les temps anciens, quand le mystère de notre salut était encore voilé sous les figures prophétiques, ceux même qui pouvaient rester continents, se mariaient dans le but de propager la race humaine. Dès lors le mariage était pour eux non point une victoire de la concupiscence, mais un acte de piété. Si, comme à nous, le choix leur eût été donné, si comme à nous, il leur eût été dit, que, celui qui peut saisir saisisse, Matthieu 19, 12, pouvons-nous croire qu'ils n'auraient pas embrassé avec joie la virginité, quand nous voyons comment ils vivaient avec leurs épousées? Chaque homme pouvait avoir plusieurs femmes, mais ils avaient avec elles des relations plus chastes, que n'en ont aujourd'hui avec une seule femme ses époux à qui l'apôtre fait les concessions dont nous nous avons parlé. 1 Corinthiens 7, 6. Les anciens se mariaient pour avoir une postérité et non pour satisfaire ces désirs auxquels sont en proie les nations qui ne connaissent pas le Seigneur. 1 Thessaloniciens 4, 5. Ne dites pas que cette conduite n'a rien d'extraordinaire, car aujourd'hui pour un grand nombre de chrétiens il est plus facile de vivre dans la continence absolue, que de s'abstenir dans le mariage des relations qui n'auraient pas pour but unique de leur créer une postérité. Une multitude de nos frères des deux sexes, héritiers comme nous du royaume des cieux, se condamnent à la continence, soit après avoir fait l'épreuve du mariage, soit en conservant la virginité perpétuelle. Au contraire, parmi ceux qui sont mariés ou qui l'ont été, combien en trouvons-nous qui, dans l'intimité de la confidence, puissent nous affirmer que jamais ils n'ont eu de relation conjugale, que dans le but ou avec l'intention d'avoir des enfants. Donc ce que les apôtres ordonnent aux époux, constitue la nature du mariage, ce qu'ils permettent, sous forme de pardon, ou ce qui empêche la prière, le mariage ne le commande pas, il le tolère. Chapitre 14. De la fornication et du mariage. 16. Faisons une supposition, que je crois à peine possible, ou plutôt que je ne crois pas possible. Je suppose donc qu'un homme entretienne, pour un temps, une concubine, dans le seul but d'en avoir des enfants, et je dis que, même alors, cette union serait plus coupable que le mariage dans lequel on a besoin de réclamer l'indulgence de l'apôtre. En effet, ce qu'il faut examiner, c'est le mariage en lui-même, et non l'usage immodéré que l'on peut en faire. Qu'un homme, après s'être injustement emparé de plusieurs terres, en recueille les fruits pour en faire d'abondantes aumônes, il ne justifie point, par ce fait, l'injustice commise. De même si un avare couve en quelque sorte le bien qu'il a hérité de son père ou qu'il a justement acquis d'un tiers, on ne doit pas faire retomber la faute sur la loi civile qui lui a permis d'en devenir le légitime possesseur. L'iniquité d'une faction tyrannique ne deviendra pas un titre d'honneur, lors même que le tyran traiterait ses sujets avec une clémence royale, de même la puissance royale ne deviendra jamais méprisable en elle-même, par cela seul qu'un roi se rend coupable de tyrannie. Autre chose est de vouloir user justement d'une puissance injuste, autre chose d'user injustement d'une puissance juste. Si donc des concubines, entretenues temporairement, ne se proposent que la génération des enfants, elles ne rendent pas légitime leur concubinage. De même, la profanation du mariage par des épouses et des époux coupables n'ôte rien à la sainteté du mariage en lui-même. 17. Il est certain, toutefois, qu'un mariage criminellement formé peut devenir légitime par le redressement des volontés. Chapitre 15. Les patriarches et leurs concubines. Dans la cité de notre Dieu, où, d'après l'union primitive de deux personnes humaines, le mariage a toujours été une sorte de sacrement, ce même mariage, une fois conclu, ne peut se dissoudre que par la mort de l'un des deux époux. Le lien demeure dans toute sa force, lors même qu'une évidente stérilité empêcherait la réalisation du but pour lequel il a été formé. Dès lors, les époux qui savent d'une manière certaine qu'ils n'auront point d'enfants, ne peuvent se séparer pour cette raison et convoler à de nouvelles noces. Agir autrement, ce serait commettre l'adultère, car ils restent véritablement époux. Chez les anciens, il était permis, du consentement de la première femme, d'en prendre une autre et les enfants qui en naissaient, étaient regardés comme des enfants communs, résultant des relations et du sang de l'un des deux époux, et du pouvoir donné par l'autre. Mais aujourd'hui ce serait un crime d'en agir ainsi, car le besoin de propagation qui existait alors, n'existe plus. Il était même permis, quoique la première femme fût féconde, d'en épouser d'autres, afin de multiplier la famille. Ceci n'est plus permis. L'état des choses est aujourd'hui si différent qu'il est mieux de rester vierge, à moins qu'on ait besoin d'un remède à l'incontinence. Dans les premiers temps, ceux même pour qui la continence était le plus facile, pouvaient, sans péché, épouser plusieurs femmes, à moins que des raisons de piété n'y missent obstacle. L'homme sage et juste, qui désire mourir et régner avec Jésus-Christ, et pour qui ce désir est le seul bonheur, Philippiens 1, 23, prend néanmoins de la nourriture, non pas par amour de la vie, mais par dévouement à son devoir et pour être utile à ses frères. De même, les saints patriarches ne virent dans les relations avec leurs femmes qu'un devoir du mariage et non un moyen de flatter la volupté. Markendanarchive.org, 2021, d'après bibliothèque monastique.ch et books Google FR, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.